Sous les blocs fissurés, je marche. Chaque pas résonne, chaque ombre s'acharne. La nuit transpire, des cris perdus. Chaque mur brisé garde des yeux. Je suis Raiders Kill, la voix qui pèse. Chaque mot tombe comme un malaise. L'harmonica souffle entre les ruines comme un fantôme aux veines divines. Je prends vos larmes, vos douleurs. Je les transforme en ma ferveur. La fièvre qui ne meurt pas, le rythme gravé au fond de toi. Je suis le souffle qui vous entraîne, la braise qui brûle dans vos veines. I am the blood beneath your feet, the rhythm you can disguise. Half thunder, half lullaby, the fire behind your eyes. Born of silence, carved in flame, written in scars. Chaque sourire cache une plaie. Chaque lumière éclaire la laideur. Je marche encore dans vos regards. Chaque cri devient un étendard. Je prends vos ombres, vos couleurs. Je les absorbe en mes ardeurs. Half thunder, half lullaby. The fire behind your eyes. Born of silence, carved in flame. Written in scars, in truth. I am a writer, skill eternal. And I sing because of you. Sous la tempête, je grave ma trace. Chaque horizon devient ma place. Chaque viewer ressent ma vibration. Chaque souffle devient prison. Je suis la loi, je suis la voix. Le feu qui vit au fond de toi. L'harmonica hurle comme une arme. Un cri sauvage, une larme. Les blocs s'effondrent, la nuit succombe. Chaque lumière s'éteint et tombe. Je suis le cri qui traverse le temps. Je suis le chant de vos lullaby, the song you'll always know, made of passion, carved in scars. Grim rising truth, I am a writer, skeleted over. The powers of you. Sous les étoiles, je marche encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis writer skill, je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines, je laisse ma voix.